Bonsoir à tous, nous sommes mardi 16 juin, il est 21h. Vous êtes sur Radio Fadjet dans le Nouvel Explorateur. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je n'ai pas eu de nouvelles pour l'exposition. Mais maintenant, il est temps de commencer l'émission. Ça sera d'abord une musique anglaise, ensuite une musique française. Après cela, nous découvrirons la capitale suisse qui est Berne. La troisième musique sera une musique italienne. La quatrième musique sera une musique... Attention, suspense. Eh bien, ça sera une musique française. Allez, il est temps de commencer par la musique anglaise qui est Skepta, Sheep et Young Gods for Waves. Maintenant, c'est un Fadjet dans le Nouvel Explorateur. I just stepped in the building, cocaine, vocal, cocaine, change your life. Can't shoot a civilian, but she testified, I'll change my mind. DBE is the wave, SKCM, can we be precise? Got caught for days, still so heroic, you can't beat the prize. When the trapper used ways, mum said, can you change your way? Yeah. Heroin on the floor, five racks on my bando door, I'm paying. Make that bitch squat, and I need some goggles to take. Day in the go like C, day in the go like SK. Last op came out in the public eye. Broski put him in the sun. I just bagged a half a brick by eye. Now I'm just twiddling my palms. Jake tried questioning me by a headshot, bro. I was sitting in the sun. I was fucking his baby mom in the living room with his son. Yeah. If three man try link up and do an album, it's not gonna sound like this. Tryna sound like A, tryna sound like Skip, and the rest tryna sound like Chip. You ain't been platinum, silver, or gold. You ain't even been bronze, you div. You ain't even done 10 years in this thing. Round here, we don't hear you're a king, man, we'll take your throne. Piss on your forehead, know your role. With cold spitters, you ain't never been toe for toe. Step in the ring, get shown the ropes. Tell me what, you believe in God? Kill him off, that's a holy ghost. I never been on no screwface team. Got a smile on my face in devilish mode. Letting it go. When you're this cold, you ain't gotta sell no drugs. Still I might fling you shots. I never did need a box or a key. Told Prince, turn the tuning off. Cause I ain't on a wave today, nah. I ain't on games today, dog. When I'm on grade, the flame sparks. Better get your whole brigade, dog. Pick an MC, put him in a zoo. You don't want smoke, you just pick and choose. Put on your album, I'm skipping through. This ain't the shit niggas whipping to. We live in a time where these MCs will claim they're the best when it's only them in the room. Got my hand on my heart when I'm in the booth. Killing her pound and build a zoo. I just stepped in the building, coke and vocal, cocaine change your life. Can't shoot a civilian, but she testified, I'll change my mind. DBE is the wave, SKCM, can we be precise? Got coke for days, still so heroic, you can't beat the prize. When the trapper used ways, mum said, can you change your way? Yeah. Heroin on the floor, five racks on my bando door, I'm paying. Make that bitch squat, and I need some goggles to take. They ain't a goat like C, they ain't a goat like SK. Say hello to the psycho, I wrote a list of all the shit that I wanna kill. I put the game first, and if it didn't work, then by now I'll be bang on the drill. I can make a meal, I get a mop like a cleaner. I can get coffee and Justin Bieber. Man, I just drove past my school. Man, I had to just flex on the teacher. I'm in the bank with a shank. Last week, I put a rack in my tank. Walked in the club with the acid. A got the lean, and C got a pack of the dank. All I do is spit facts when I step in the booth, and it just happens to bang. It's 50 racks just to walk through. Told the promoter, I need the cash in my hand. I just stepped in the building, coke and vodka, cocaine change your life. Can't shoot a civilian, but if she testified, I'll change my mind. DBE is the wave, SKCM, can we be precise? Got coke for days, still so heroic, you can't beat the prize. When the trapper used ways, mum said, can you change your way? Yeah. Heroin on the floor, five racks on my bando door, I'm paying. Make that bitch squat, and I need some goggles to take. They ain't a goat like C, they ain't a goat like SK. C'était Skepta, Sheep et Young Gods pour Waze sur Radio Fadjet dans le Nouvel Explorateur. Nous allons maintenant passer à la musique française. La musique française, c'est San de Aurel San. Cette vidéo est issue des Victoires de la Musique 2018. À chaque fois, je crois que j'ai fini le jeu, ça repart à zéro. En plus rapide, en plus dur, je devais être plus mûr. J'ai dû me tromper de futur. J'aimerais retrouver la magie du début. Rien ne fonctionne quand le cœur n'y est plus. Ça fait mal à la fierté, j'ai du mal à l'admettre. Mais j'ai jamais été aussi perdu. Le monde est un PMU, où n'importe qui donne son mauvais point de vue. Où la télé passe des infos déjà vues. Pendant que la radio joue des sons qu'on n'écoute même plus. J'essaie de trier entre les snobs pointus et les mongols incultes. Je sais plus où cliquer. J'essaie de fit et rester d'actualité. Sans devenir ma propre télé-réalité. Je veux pas rester figé, piégé dans mon personnage comme une prise d'otage à Disney. Mal vieillir comme un vieux punk. Quand tu crois que t'es Bart, mais t'es Monsieur Burns. Je suis pas chez moi dans la capitale, je continue d'écrire sur une ville où j'habite pas. J'essaie d'être un homme bien, mais je suis plutôt moyen. Je crois que je suis juste un génie du mal. Je regrette mes vieux démons, roi dans le mensonge, esclave dans le vrai monde. Vigilant à chaque seconde, si je laisse seul, mon esprit s'égare dans la pénombre.

pour toujours. Ou plutôt, tu le vas pour toujours. Hai già un'idea, mia cara dea, sul dove vuoi che ti porti stasera. Non che ci sia luogo magia all'altezza della tua bellezza. E quel che volevi ti giuro io te lo darò, ma non metterli a veri davanti alla nostra storia. Restano luci accese per la città, ma cerco un'emozione che non tornerà indietro come prima, come anni fa. Il cuore mio si abitua a dargli novità. Aspetta che mi preparo e sono pronto al party. Fumiamo certe bombe se è del porto. Darmi mi gusta se lo muove, non sto contro. L'armi, specchio, retrovisore, sa che tu mi guardi. Testa, coda perché è sexy. Lady sei nei miei pensieri dalla testa. Piedi pure senza l'ombra proprio dal cu. Dubbio voglio te, quest'ora sono già nude. Crudo, attaccata sull'asfalto con il caldo. Mi lascia coricato la mia auto. Vado così tranquillo, cambio automatico. Posso stringerti la mano mentre guido. Dici che ti amo solo quando sono giù. Perso questa notte mi hai trovato solo tu. Spegni la bajur che lo facciamo pour toujours. Lavori sporchi fanno fare soldi però mai più. Però mai più. Però mai più. Però mai più. Oh, mai più io ti ho sentito. Non dirmi che non ti ho sentito. Tra di noi non c'è un segreto. Ciò che penso lo dico. Ora mai più. Ora mai più. Ora mai più. Ora mai più. Ora mai più. Non so se la soluzione a tutto è il socialismo. Nel dubbio oggi esco, socializzo, tronco un'altra storia corta, perché i bonsai non fanno ombra. Probabile arrivederci dea fortuna, la somma dei destini è una. E anche su due universi diversi noi siamo connessi, come se avessimo entrambi i sessi. Mi consolo con piccole vittorie, come quando parte i primi colpi d'acceleratore. Un altro giorno, un altro assaggio, un'altra pioggia con la carovana in viaggio. La strada si sfrega sul confine federale. Ho farcito sto burrito con un vegetale. Forse mento quando dico se torno ti avviso, ma tu fingi di non avermi ucciso. Hai imparato dalla vita, gold diga, testi sacri stampati sulle sneaker. Ragione e torto si fondono. E sì, mi hai fatto male ma ti condono. E sì, sì, i tramonti fanno male alla gente che poi si sente in debito per sempre. Ti prendo in parola se mi dici che si bagna ancora. Ok, mi hai convinto, torno tra mezz'ora. Dici che ti amo solo quando sono giù. Perso questa notte mi hai trovato solo tu. Spegni la bajur che lo facciamo pour toujours. Lavori sporchi fanno fare soldi però mai più. Però mai più. Però mai più, però mai più, oh, ora mai più io ti ho sentito. Non dirmi che non ti ho sentito. Tra di noi non c'è un segreto. Ciò che penso lo dico, ora mai più. C'était tes doigts pour toujours sur Too Fat Jet et dans le New Explorateur. Il est maintenant temps de passer à la dernière musique de l'émission qui est française. Cette musique c'est This is La Peste avec Danny Sainté et Kish Wise pour On se comprend pas. Allez. Si tu me détestes, si tu me hais ou si tu m'aimes, surtout si tu m'aimes, dis-le vite avant que je crève. Si tu me flingues, si tu me frappes ou si tu me tues, si tu me quittes, si tu me veux plus, si tu me laisses là dans la rue, regarde-moi dans les yeux. chaud marmé. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. C'était Dizzy de la Peste avec Danny Sainté et Killwise pour On se comprend pas sur Radio Fadjet dans le nouvel explorateur. Et il est déjà l'heure de se dire au revoir et à bientôt dans une semaine dans le nouvel explorateur. Allez, salut à tous!